villages enfantés, à l'abri de nos corps, il a vu dénudé par la lumière et l'or, tant d'empreintes ont pour moi érigé la potence que mille et un langages protègent mes silences. Et à la perle d'eau de notre imaginaire, je redirai ces lieux divins et solitaires, le sable au vent furieux raconta ses mystères, au marbre de nos veines, de nos voix intérieures, au repos de nos peines dans l'océan du cœur, pour entendre mugir nos rêves inépuisables, le vent de nos désirs reparlera au sable. J'irai par les dunes, retrouverai les sorts, par ces flots de fortune au creuset de mon corps, éclairant dans la nuit de la perle sacrée, percevoir les bruits de notre immensité. J'irai par les torrents, les terres immaculées, et par ces nuits aveugles où se ferment nos yeux, recueillir les serments de nos rêves passés, et dans le plomb et l'or, la lumière et les cieux. Je foulerai la terre de ces mondes inconnus, par l'empreinte des songes aux clameurs entendues. J'invoquerai les dieux de l'antique cité en gardant le silence pour mieux les écouter. Enfantés à l'abri de nos corps, mille aveux dénudés par la lumière et l'or, tant d'empreintes ont pour moi érigé la potence que mille et un langages protègent mes silences.